Arc-en-ciel, 13h03, Michel avec vous, comme chaque dimanche, entre 13h et 15h30, et ce sera l'accordéon de nos régions et l'accordéon musette. Émission spéciale pendant le Covid-19, je cherchais le nom. On en parle pourtant assez, on devrait le savoir. Je vous propose aujourd'hui, bien sûr, du musette, de l'accordéon de nos régions, et on commence tout de suite avec Daniel Gatineau, un gars du Morvan. Il nous interprète la Corrèze et l'amour. Te souviens-tu de ce beau jour du mois de mai, où par hasard nos deux regards se sont croisés, où tu as osé me parler le premier, tu m'as décrit ce beau pays. Et ce paradis, bien sûr, c'est la Corrèze. Je ne connaissais pas cette région française, mais à tes côtés, je l'ai tout de suite aimé. Car depuis 10 ans déjà, nous sommes mariés. Nous prenons la route pour les écouter. Tous ces accordéons qui ce soir vont jouer en ton honneur, toi que l'on n'a pas oublié, et qui pendant toute la vie a fait danser aux jeunes, aux vieux, la valse et aussi l'amourer, mettant au cœur de tous la joie et la gaieté. Un jour il faudra rentrer, et l'an prochain nous reviendrons, tu me promets. Passionnément, tous deux nous aimerons, au son de la cabrette et des accordéons. Nous rapporterons un gros bouquet de bruyère, cueilli rien que pour toi aux flancs des monnaies. Dans quelques années, lorsque nous serons plus vieux, nous viendrons vivre au doux pays de tes aïeux. Et on continue l'accordéon des régions avec cette fois-ci Pascal Rabigaud. Nous chantons en Auvergne. Les chansons pour multiples raisons sont pour les Auvergnats Un plaisir sans égal pour toutes les couches sociales. C'est plaisant de voir ça. Je crois qu'avec l'air pur, beaucoup font par nature une très jolie voix. Et ils savent en plus, c'est bien sûr, nous chanter en patois. Nous chantons tous en Auvergne et on ne s'en lasse pas. Le pire c'est qu'on s'en imprègne, car des sujets il y en a. Quand on entend la cabrette mêlée à l'accordéon, à mes amis que c'est chouette d'habiter dans cette région. On décore les bruyères, les monts et les rivières, nous invite à chanter. La région est si belle, nous y sommes très fidèles, on ne peut s'en passer. Parfois pour le travail, on s'éloigne du bercail, mais on n'oublie jamais le berceau de l'accordéon, des danses et des chansons. Nous chantons tous en Auvergne et on ne s'en lasse pas. Le pire c'est qu'on s'en imprègne, car des sujets il y en a. Et on retrouve l'orchestre de Christophe Hoineau, que je passe assez souvent, et ça s'intitule « À toi, mon pays ». Célébré par le vieux curé. Quand je vois passer des nuages tachant un décor de ciel bleu, je leur confie un doux message, le message d'un amoureux. Car je sais que dans mes rêves tu es toujours tout près de moi, et que dans mes nuits trop brèves je te revois comme autrefois. J'ai gardé mon cœur pour toujours, car tu m'as donné ma compagne et les chansons des troubadours. Je revois mon doux village qui me sourit au temps passé, le jour de notre mariage célébré par le vieux curé. avec Christophe Poineau. Et ça s'intitule... Qui peut concurrencer la marque là, là, là, la publicité, c'est possible de voir ça. Près du vieux bureau. Avec un refrain de chanson, les hirondelles de passage, témoins discrets des amours, ont compté dans chaque village que nous aimerions toujours. Doucement efface les amours de notre passé. Pourtant j'ai retrouvé la trace du parfum de nos soirs d'été. Je ne crois pas que je regrette, lorsque je pense à mes 15 ans, le souvenir d'une amourette disparue avec le printemps. Fleurs de gentiane, tout près de notre vieux bureau, pour les offrir à ma compagne, avec un refrain de chanson, les hirondelles de passage, témoins discrets des amours, ont compté dans chaque village, que nous aimerions toujours. fait, Vargy est un petite ville de la Nièvre. Alors, la Nièvre, tu nous. Et c'est de la part de Simone pour Mamie Geneviève, pour tous ses amis de l'accordéon et pour l'animateur, merci. Et bon après-midi au soleil, si possible. Vous avez bronzé, Simone. Arc-en-ciel, 13h21, on continue bien sûr avec l'accordéon de Christophe Coineau, la valse des Corréziens de Paris. Pour chrétien de Paris qui entretient l'amitié et vous donne l'espoir de revoir le pays qu'un jour il nous a fallu quitter. Dans les petits bals du samedi, au son de l'accordéon, s'il en a quelquefois le mal du pays, pour peu qu'on ait le bourdon, c'est la valse des Parisiens de Paris qui remet à plomb. En cadence, tout le monde la danse, et des vacances, bien sûr, on parlera tous ensemble. Se rassemble, qu'on soit de bord, de Chaumeil ou du Jard, c'est la valse des Parisiens de Paris qui entretient l'amitié et vous donne l'espoir de revoir le pays qu'un jour il nous a fallu quitter. Bien sûr, la vie est belle sur Arc-en-Ciel, pourquoi pas. Pascal Rabigaud, la marche des chasseurs. La chasse est parfois contestée. Dans la vie, quoi qu'on fasse, est souvent étiqueté. Mais ce qui nous amuse et qui se dit partout, c'est toujours ce qui accuse, qui ne prend rien du tout. Chantons la marche des joyeux chasseurs, pas celle qui parle des tombeurs. Mais rien n'empêche de faire partie des deux, surtout ceux qui sont amoureux. Se donner du plaisir, bien s'éclater dans ses loisirs. Aussi, si l'on chante les chasseurs, y a pas de raison qu'on oublie les tombeurs. chasseurs. Il fronce en bombance, pas dans le style minceur. Il termine la soirée, souvent par des chansons. Et comme à l'accoutumée, ce sont de quels hurons. Chantons la marche des joyeux chasseurs, pas celle qui parle des tombeurs. Mais rien n'empêche de faire partie des deux, surtout ceux qui sont amoureux. Et puis, il faut se donner du plaisir, bien s'éclater dans ses loisirs. Aussi, si l'on chante les chasseurs, y a pas de raison qu'on oublie les. Et on continue avec Daniel Gatineau, et ce sera cette fois-ci La bourrée de Lourdon. Continue bien sûr avec l'accordéon, la valse limousine, Christophe Coineau. C'est de la part de Mamie Geneviève pour Simone. Et pour l'animateur, merci. Et puis, tout le monde reste au coin du feu. Parce que vous allez attraper, comme disait mon grand-père, un chaud refroidi. Voilà, traduction, un chaud refroidi. Un chaud et froid, autrement dit, en français. Voici donc la valse limousine, Christophe Coineau. Thank you. déjà au buisson. Un tantine et libertine, elle fait soulever les jupons. De nouvelles limousines que font valser les garçons. Du soleil à l'horizon, c'est le pays des chansons. Du soleil à plein rayon, c'est le pays des chansons. Daniel Gatineau, une Begin Morvandel. Claudette avec Christophe Coineau, et un petit coucou à l'ancienne salardiste de Radio Vagar, tenez, Claudette, si elle m'écoute, toutes mes amitiés. Savoie avec Pascal Rabigot. C'est un plaisir de passer un séjour en Savoie. J'en suis, croyez-moi, tout rempli d'humour. Dans cette région qui nous offre un décor enchanteur, il y a là une des clés du bonheur. Mais tout là-haut, en voyant ce joli paysage, c'est un vrai mirage dessus les nuages. C'est merveilleux de pouvoir habiter la Savoie. Dès le matin, tout joyeux, nous partons sur les pistes. Nous sommes optimistes, bien sûr, c'est pas triste. Et si parfois on s'égare en faisant le malin, on prend un gadin, c'est certain. Et puis le soir, nous trouvons un choix de distraction. On entend souvent de l'accordéon. Fils et garçons se retrouvent où l'on peut s'amuser. terminé, dès que la nuit commence à tomber, on va déguster des spécialités. Comme chacun sait, l'en savoir dès qu'il s'agit de manger, on n'a pas besoin de s'effrayer. De la fondue à la tome, le plaisir est tout comme, car tout est en somme, vraiment le summum. Pour apprécier cet endroit, venez donc, je le crois, passer un séjour en Savoie. Tant de trésors, pas un de nous la dédaigne, en vivant dans ce décor. Quand on voit le paysage, si beau qu'il faut bien le dire, nous gardons bien cette image d'un coin superbe à ravir. Si vous passez en faites pas les musaraignes, restez tous avec nous. Vous y ferez des promenades avec un plaisir fou. Après l'escapade, ceci entre nous, vous irez boire un bon coup. Tel que l'Auvergne est en fête, rien n'est laissé au hasard. Jouer les vedettes, chacun de nous se prépare. Quant aux danses folkloriques, on a tout pour vous servir. Pour ce qui est de la musique, il y a de quoi vous séduire. Si vous passez en Auvergne, bien sûr arrêtez-vous. Ne faites pas les avec un autre passeur trois temps que j'ai composé avec Jean Bonal, qui était le guitariste d'Aimable. Donc vous voyez, là, toute la famille est réunie comme ça d'un seul coup. Et là, on retrouve donc Benoît Lantier avec l'accordéon d'Aimable pour vous interpréter ces passeurs que j'ai composés avec des grands noms de la danse, de la musique française. Benoît Lantier, à toi. Plutôt Stéphane Guérinet, c'est lui qui fait l'intro à la trompette. Ouais. vous écoutez actuellement l'orchestre de Roberto Mivelli. Chercher un autre accordéoniste qui s'appelle, vous le connaissez tous, sur Radio Arc-en-Ciel, c'est Jean-François Carcagno. Avec mes bourricots, c'est le nom du morceau qu'il nous joue maintenant. Je suis

soir avec mon pâte des vins soir de fouir. On a rencontré une nana, on a fait la java et on a fait la fouir. En buvant un coup de noix, en dansant la java, les deux mains sur derrière. À la foire des Châtillons, remont du trognon avec les compagnons, c'est bon. À la foire des Châtillons, remont du trognon, j'ai perdu mon caleçon. Sans la java, les deux mains sur derrière. À la foire des Châtillons, on remont du trognon avec les compagnons, c'est bon. À la foire des Châtillons, on remont du trognon, j'ai perdu mon canton. Et on va continuer avec cette fois-ci Christophe Demerson. Et ce sera Ave Maria. Non, ce sera d'abord le Saint-Hubert. Et ensuite Ave Maria. Thank you. la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Et on continue en accordéon, bien sûr. Il est 14h10. On continue avec Robert Trabucco et son orchestre des Joyeux Lurons. Et le premier morceau s'intitule « Viens Poupoule ». Alors les copains, maintenant qu'on a bien bu, qu'on a bien mangé, on va pas rester là comme ça, non? Ben, y'a qu'à partir en fiesta, alors, mon vieux. Tiens, ouais, ça, y'a qu'à aller chez Robert, tiens, ouais, allez, allez, allez, allez, allez, allez. Aux galeries à 20 sous. Mais vite une robe, faut se dépêcher pour être bien placé. Car il faut, mon coco, en bas de tous les cabons. Brave agent, un soir rentré gaiement. Quand tout à coup, jugé un peu, on entend des coups de feu. C'est les messieurs, les bons apaches, pour se donner du panache, qui s'envoyaient quelques pruneaux et jouaient du couteau. Brave agent, indulgent, quitte à sa femme tranquillement. Viens, ouais. Popole, viens, Popole, viens. Pourquoi les déranger? Ça pourrait les fâcher. Oh. Ne te mets pas en émoi, et si tu reviens sans moi. Les jeunes mariés très amoureux viennent de rentrer chez eux. Dans leur gentil petit entresol, ils s'écrient enfin seuls. Madame Sobel est vite arrangée, sa petite fleur d'oranger. Pour notre monsieur, bientôt devant, est amoureusement. Pour tâcher, s'épancher, oui. Montrant la chambre à toucher. Oh. Les Joyeux Lurons, et ce sera tant qu'il y aura des étoiles. Tant qu'il y aura des étoiles sous la voûte des cieux, il y aura dans la nuit sans voile du bonheur pour les gueux. Nous, les gars sans fortune, nous avons nos trésors, seul un rayon de lune vaut le plus beau décor. Si à la belle étoile, on sera toujours heureux. Tant qu'il y aura des étoiles sous la voûte des cieux. Tant qu'il y aura des étoiles sous la voûte des cieux, il y aura dans la nuit sans voile du bonheur pour les deux. Nous, les gars sans fortune, nous avons nos trésors, seul un rayon de qui t'appelle Amaliane. Non, c'est pas moi. Ah, C'est-tu toi qui t'appelles Emeliane? Non, moi je m'appelle Gertrude. Ah bah mince, c'est-tu toi qui t'appelles Emeliane? Non, c'est pas moi non plus. Ah, oh, c'est-tu toi qui t'appelles Emeliane? Ouais. Ah bah c'est la femme à barbe. C'est-tu toi qui t'appelles Emeliane? C'est-tu toi, ou c'est-tu pas toi? Si c'est toi, ta mère a dit que dans l'intrant que la jeune Emilienne avait levé le pied chez elle rue Rambuteau et que sa mère promet si on la lui ramène 38 francs 60, une montre et une photo. C'est pour ça que depuis lundi matin je demande à tous les petits trottins, c'est-tu toi qui t'appelle Emilienne? C'est-tu toi ou c'est-tu pas toi? Mais je sais pas, ta mère m'a dit que tu reviens. Sortant d'un hôtel, je vois place Vintimille, un petit jeune homme poudré bien ondulé. Je me dis c'est curieux, ce garçon m'a l'air d'une fille. Si c'est Emilienne, comment je vais la filer? Et marchant derrière le petit monsieur, je lui file mon air le plus gracieux. C'est-tu toi qui t'appelle Emilienne? C'est-tu toi, ou c'est-tu pas toi? Si c'est moi, ta mère a dit que tu reviennes, Emilienne, que tu reviennes chez toi. Comme avant, je t'avais jamais vu. C'est pas tard, je t'avais pas connu. C'est-tu toi qui t'appelle Emilienne? C'est-tu toi, ou c'est-tu pas toi? Et on écoute maintenant La Sologne, interprétée par le jeune, à l'époque, bien sûr, il est comme tout le monde, il est comme moi, enfin comme moi, il n'a pas mon âge, mais il vieillit, comme tout le monde, et c'est notre ami Jean-François Carcagno. m'efforce toutes les semaines à vous passer l'étoile et le troubadour par un orchestre différent. Et aujourd'hui, j'ai choisi un orchestre très connu dans la région, bien sûr. C'est Christophe Demerson. Tradition oblige, Radio Arc-en-Ciel, voici notre ami Berlondio. Merci. Alors, mais nous, on a un Berlondio. Il travaille à côté de chez moi, là, à Vancy, à l'école des Pannes. Ah oui, à l'école des Pannes, c'est un garage à Vancy, oui. C'est Martin, ça s'appelle comme ça. C'est le Martin, à l'école des Pannes. Puis alors, il emploie le Berlondio de temps en temps, vous voyez bien, quand il y a du monde, tout ça, il emploie mon Berlondio, puis il travaille là. Puis le Berlondio, c'est un gars que faut pas y en promettre, là. Ah là là, qu'est-ce qu'il boit? Puis alors, évidemment, quand il rentre sous, sa bonne femme, c'est pareil, des tripotés de gamins, il y en a plein à la maison. Hein. Il arrive l'autre soir à la maison, sa femme a dit, dis donc, t'as encore fait du beau travail l'autre jour, je te dis, toi, hein, t'aurais pu faire attention quand même. T'es pour pas me dire que si. Si. Ça, je le sais, parce que je m'en suis bien aperçu, dis donc. 3 semaines de retard, quand même. Oh, mais c'est pas vrai, bon sang, tous les trucs qu'on te dit dans la radio, puis à la télé, t'attends donc pas, fais attention. Écoute, donc, moi, j'en veux plus, hein. Quoi que ce que je gagne au garage, je te dis, j'en veux plus. Tu vas aller à Rouen au planage. Tu vas voir le docteur du planage, il va te sculpter, et puis j'en veux plus, puis c'est tout. Ah, dis bon, ben, ne mets pas en colère, la bonne femme a foutu son chapeau de dimanche. Là, voilà, partez à Rouen, à voir le docteur du planage, avant de là-dedans. Bonjour, monsieur le docteur du planage. Voilà, je crois bien que je suis enceinte. Ben, je dis, madame, ça, ses habits, tout ça, il ausculte, tout ça, bien comme il faut. Mais il dit, madame, mais non, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas enceinte. Non, non, c'est rien du tout. C'est une petite poche d'air, c'est rien. Oh, vous êtes sûr? Mais madame, écoutez, je suis praticien depuis quand même de nombreuses années. Je peux vous... C'est la certitude, vous n'êtes pas enceinte du tout. C'est une petite poche d'air, c'est tout, hein? Allez rassurer votre mari. Oh, ben ça, oui, oh, je... Oh, elle saute dans le car. à s'amène à l'école des pannes. Il est pas là, mon homme. Ah non, il est pas là, il est parti faire un dépannage sur la route nationale. Oh, mais écoutez, c'est pas grave, mais il va être content. Dites-y, hein. Dites-y, je suis pas enceinte, c'est une poche d'air. Mais dites-y, hein. Oh, mais il va être content, mais il va être content, mon nanar. Le soir arrive, il y a mon gars qui rentre chez lui, mon berlodio, il s'amène, il fait « Qui t'a encore été déconné, toi, idiote ?» Hein, t'en loupes pas une, hein. Ben, mais écoute, mon nana, moi je pensais que tu serais content, mais je ne suis pas enceinte. Je le sais. Ah, je le sais, t'es pas enceinte. Mais non, monsieur le docteur, il me l'a dit, c'est une petite poche d'air. Oh, ça aussi, je le sais. Tout le monde le sait, quand t'as dit ce que je te dis. Hein? Au garage, tu l'as risé, là, à présent, moi. Quand il y a un gars qui s'amène, on fait « Allez, Berlodio, amène ton petit Zodio, il y a un pneu à gonfler !» Daniel Roger et Linda Grossi. On y voit des amoureux qui s'élancent les yeux dans les yeux. On est tous un peu poètes au rendez-vous des guinguettes. Et ça durera très longtemps, longtemps comme le petit vin blanc. Si tu descends les fers lourds, brisé par le mal. Continue bien sûr en accordéon jusqu'à 15h30. Comme chaque dimanche, il nous reste une heure pratiquement. Alors on va l'employer cette heure, ne vous inquiétez pas. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Voici la femme à Berlodio. Oh ben, l'autre jour, ils étaient tous les deux, là, il y avait le Mathieu et le Berlodio, ils avaient fêté la Saint-Éloi. Et ils étaient rentrés, c'est pareil, ils étaient, oh oui, 4h du matin aussi, au petit jour et puis la grande nuit, tu vois, entre les deux, ouais. Et eux, entre les deux cuves, pétés comme des valises, là, ils vont, eux. Oh, celle-là, on l'a pas attrapée pour rire, hein. c'est te voler qu'on va prendre en vélo. Hein? Oui, tu peux soigner, tu vois, ta bonne femme, elle va t'en foutre une dérouillée, puis moi aussi, hein. Attends, c'est ce que tu dis, Berlodio, hein. C'est que ma femme, c'est pas la peine qu'elle compte à m'en foutre une à moi. Parce que je suis pas comme chez toi. Moi, je suis pas un larbin, moi, je suis pas un train de totin, moi. T'entends bien ce que je te dis? C'est moi qui commande, monsieur. Oh, t'es-tu menteur? Et t'es-tu sous pour dire des conneries pareilles? Non, monsieur. Non, monsieur, je suis pas plus sous toi, puisque c'est moi qui commande à la maison. La Denise, elle la met en veilleuse. Hein. La Denise, elle a... Oui, monsieur, la Denise, elle la fout en veilleuse. Je vais dire quelque chose que tu sais pas, toi. C'est que la Denise, eh ben, elle est à genoux dans la chambre, monsieur. Elle est à genoux devant moi, dans la chambre. Moi, monsieur, oui, moi qui te cause. Je faut-il que tu sois sous pour dire des menteries de l'appareil au patron. Elle est à genoux devant toi dans la chambre. Oui, monsieur. Et qui t'a dit quand qu'elle est à genoux? Elle me dit, allez, feignant, sors de sous le lit. Un petit coucou à Paulette de Fleury en passant. Chez Paulette, Linda Gansy, Daniel Roger. Dans ce petit cabanon, on apprécie les flancs. Vous verrez que chez Paulette, c'est vraiment le bal musette. De les années soirs de danser, autour d'un très bon dîner. N'oubliez pas le dimanche, toujours entre amis on danse. Au cabanon c'est la fête, c'est chez Paulette. Avec Janine on est presse, c'est l'allégresse. Tout se passe sans manière, sans tralala. Avec Christian et Gilbert, on ne s'ennuie pas. Au cabanon sans prétention, c'est la guinguette. On peut chanter à l'unisson avec Gaston. C'est bien le petit bal musette comme l'on aime. Dans ce petit cabanon, ah, ce qui fait bon. Dans ce petit cabanon, on apprécie les flanflons. Vous verrez que chez Paulette, c'est vraiment le bal musette. Le samedi soir, vous dansez autour d'un très bon dîner. N'oubliez pas le dimanche, toujours entre amis on danse. Dans ce petit cabanon, on apprécie les flonflons. Vous verrez que chez Paulette, c'est vraiment le bal musette. J'ai fait mon service militaire à Bourges. On est bien placé pour en causer à la CHR. C'est-à-dire, j'étais à l'école là-bas, à la CHR, à l'école du matériel. CHR, c'est-à-dire compagnie hors rang. C'est-à-dire que tous les individus dans mon genre, qui s'étaient un petit peu paumés dans la nature, on les récupère, on les met à la CHR. Et alors là, il y avait Ben Alouf et Ben Zizi. Ben Alouf et Ben Zizi. Voilà, j'avais les petits doigts, la main dans la main, dans la caserne. Alors il se rappelait un peu le souvenir du pays, quoi. Et ils s'entendaient bien tous les deux, Ben Alouf et Ben Zizi. Mais voilà qui pourrait qu'un jour, à l'état-major, on reçoit le dossier du caporal. Chef Ben Alouf. Qui c'est le caporal chef Ben Alouf? C'est le deuxième. C'est pas vrai. Il est caporal chef. Bon, on va y refoutre ses galons. On lui a remis ses galons de caporal chef. Et vous allez voir un peu comme ça peut changer un homme de se sentir des galons. Le matin, il se lève avec sa nouvelle tenue, les galons. Il y avait mon Ben Zizi. Il balayait Mohamed Ben Zizi, garde-vous. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, garde-vous. Ça va pas ta tête? Qu'est-ce que t'apprends? J'y suis le chiffre. Alors, où est-ce le chiffre? Toi, il y en a le chiffre? Faut pas rigoler, sinon je porte mon taf. Tu présentes les armes. Et qui tu veux? J'ai un balai. Présentez le balai. Tu présentes le balai. C'est toi. Je suis le chef. Voilà, dire que ta famille, t'as la connue. La roule, c'est moi. La roule, les soutenants. La roule, les ordres des toits, moi, il y en a. Qu'est-ce que ça fait? J'ai des. Les ordres des toits, moi, il y en a. J'y vais pour tel motif. Mais tu portes si tu veux les ordres de toi à moi. Attends, je vais l'air là, je vais l'air là. Je vais l'air là, il arrive chez le fourrier-major. Allez, à quoi? Il y en a crévé. Qu'est-ce que tu racontes, Mohamed? Il y en a. Je n'ai pas envie de mourir. Mais non, pas crévé avec la mort, il va crévé avec la plume. La machine à écrire, elle est cassée. Qu'est-ce que tu veux? Qui me fait le rapport? Ah, tu veux, tu te tapes un rapport. Voilà, tu me tapes la porte, t'as fait les études, t'as préféré la plume au fusée, t'écrives. Et moi, je t'ai dit. Voyez? Bon, ben, si tu veux, si tu veux. Alors, tu portes un rapport, pourquoi? Parce que j'ai fait monter le motif. Quoi? J'ai porté un motif, je suis chiffre. Alors, j'ai donné un ordre à un soldat deuxième classe. Bon, explique-toi clairement, sinon, je peux rien faire. Bon, d'abord, comment c'est toi? Mohamed Ben Alouf, brigadier chef. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai porté le motif au soldat de deuxième classe, Mohamed Ben Zizi. J'ai donné un ordre et il m'a fait... Attends, voir. Tu lui as donné un ordre et il t'a fait... C'est ça. Mais mon pauvre vieux, mais ça, c'est pris pas, ça. Alors là, qui c'est qui a fait les études? Ça va le Zécote, ça a le baccalauréat, ça a tout ça, et ça peut pas écrire... Mais ça s'écrit pas. Ah ben écoute, j'ai donné un ordre et moi, il m'a fait... Alors écoute, bon, ça fait rien, t'es rien des taux, tu comprends rien dans ta tête. Moi, je vais te dire, tu déchires la feuille, t'en prends une toute neuve, tu trempes la plume dans l'encre, t'écrives. Brigadier chef, Mohamed Ben Alouf. J'y porte le motif. Au deuxième classe, Mohamed Ben Zizi. Il m'a fait avec la bouche comme quoi tu fais avec ton cul. T'es très... comme tous les morvandiaux. Les filles de notre pays sont gentilles et si belles. Allez, dans ces états de joie, labourées de doudoir. Nous, dans notre morvan, labourée tient sa place. Faut dire que c'est très souvent qu'elle est même en avant. C'est sûr que dans tous les bals, bien des gens la labourée de doudoir. Maurice Jaillette. Les résonner des sabiaux en dansant la bourrée. Enfonce ton joli chapeau comme tous les morvandiaux. Les filles de notre pays sont gentilles et si belles. Elles dansent les yeux pleins de joie, la bourrée de doudoir. Dansez bien tous en cadence, la bourrée de doudoir. Qui a la ressemblance des accents d'autrefois. Faites pour la minorité et son accordéon. D'années sans artifice, où la chanter c'est toujours très bon. Fais résonner tes chapeaux en dansant la bourrée. Enfonce ton joli chapeau comme tous les bourbandiaux. Les filles de notre pays sont gentilles et si belles. Elles dansent les pas de joie, la bourrée de doudoir. Thank you. nuit, sans jamais être fatigué. On va chanter et s'amuser. On se rapproche à petits pas, malgré des gestes maladroits. On a envie de s'éclater et puis chanter, allons danser. Allez, venez, allez chanter, on va danser, allez. Et trouver une partenaire. Allez, venez, allez chanter, on va danser, allez. Emmenez votre cavalier. Allez, venez, allez chanter, on va danser, allez. Regardez pas en arrière. La marche est bon, c'est que c'est entraînant. Allez, et vous irez, n'arrêtez pas, on peut danser. Si vous allez au bal Musette, passons son de l'accordéon. Il y a toujours un air de fête, vous aimerez ces chansons. Un petit problème, pas de panique, écoutez bien cette musique. Laissez jouer cette mélodie. Eh bien, on va continuer, bien sûr. Il nous reste pratiquement une demi-heure, jusqu'à 15h30, comme chaque dimanche. 2h30 d'accordéon, de chansons, non pas, pas de chansons, pardon, chansons c'est pour demain, d'accordéon, d'accordéon de nos régions, de musette, etc. Et j'en passe, et des bailleurs. Alors, j'ai une dédicace, c'est de ma part pour Anne-Marie de la Source, c'est de la part d'Anne-Marie pour l'animateur, merci. On va écouter Allez Momo, avec devinez qui, Maurice Jaillette. Allez, c'est parti, tout le monde en vacances. Et vive les voyages organisés. On est parti, sans voyage, en écoutant l'accordéon. C'est super chouette. Évidemment, il y a une petite erreur. C'est l'histoire de Merson que j'écoute actuellement. Oh, alors, on va rejoindre Maurice Jaillette maintenant. C'est quelques instants en compagnie de Jean-François Carcagno. Thank you. jeune de rose qui nous gentiment très fort. Venir découvrir Blancafort pour recevoir ses amis, ses petits vies du Berry se préparent avec ambiance pour être très accueillant. C'est la valse de l'Europe qui nous vient l'an nouveau. C'est la valse de l'Europe qui nous arrive au galop. C'est bien s'amuser dans son bar au son de l'accordéon. Nous les valseurs rouleront. Venez donc tous avec nous, dansons et amusons-nous sur la valse de l'euro de Jean-François Carcagno. C'est la valse de l'euro. Jaillette, on le retrouve et j'aime toujours l'accordéon. C'est encore un succès garanti. et pour ça je ne peux pas me passer de lui. Jean-François, ou Jean-François Carcagnot, comme on veut, le roi des animaux. chat avait su conserver son calme lorsque soudain beau matin ce fut le changement de destin. Car ce soir-là la télé diffusée dans le monde entier, on entend comme dans un écho Blancafort et centre de l'euro. La la la la la la la la la la la la la la la la la du Berry du pays fort, il était une fois Blancafort. Cette nouvelle arrive en courant, tous ses habitants sont contents. Monsieur ses portes à nouveau, la la la la la la la la la la la la la la la. Et du Berry du pays fort, il était une fois Blancafort. Était au bord de son canal, on y fait de belles promenades, les touristes qui est disparu, bien sûr. Claude Chevalier de Vierge. Et on écoute Petroni Jajva. Thank you. Et vous avez reconnu Valentine. À la pendule de Radio Arc-en-Ciel, on se quitte dans quelques minutes. Je vous laisse en compagnie d'RDP International en direct du Portugal. On se retrouve demain pour l'émission Cocktail Coloré, comme tous les lundis, 14h-16h. Avec cet indicatif que voici et que voilà. Chantons-les, nos succès de France.